Et le but éventuellement de la conscience de l'homme, de la conscience supramentale de l'homme, le but de l'évolution future de l'homme, n'est pas nécessairement simplement le développement d'une conscience humaine. Il est aussi l'appointement sur la Terre d'une relation étroite entre l'énergie et le plan mental de l'homme, donnant ainsi à ce dernier le pouvoir, c'est-à-dire la capacité d'utiliser cette énergie infinie à des œuvres qui coïncident avec son organisation psychique. Donc, l'homme de demain, après être devenu conscient, dépassera le stade de ce que nous appelons la conscience pour en arriver à vivre le stade de ce que nous pourrons appeler alors le pouvoir, c'est-à-dire la capacité d'intégrer l'énergie à ses plans psychiques ou à sa structure psychique. Mais pour que l'homme en arrive à passer de la conscience au pouvoir, il doit être capable de réaliser, alors qu'il est en voie de développement de conscience, que ce développement de conscience représente, dans le fond, l'expression première de la descente du pouvoir de la conscience supramentale sur la Terre. Donc, la conscience n'est pas en elle-même, et ceci est très important de comprendre, la conscience n'est pas en elle-même un atout pour l'homme. Elle est simplement une planche, un palier extrêmement important qu'il doit gravir afin d'en arriver un jour à intégrer l'énergie qui représente effectivement l'aboutissement de la conscience supramentale sur le plan matériel. Donc l'homme passe de l'inconscience à la conscience au pouvoir. Et en passant de la conscience au pouvoir, il réalisera que la nature même de sa conscience, passant au pouvoir, représente effectivement sa capacité intégrale d'intégrer l'énergie qui se manifeste à travers son mental, à travers ses émotions, à travers sa physicalité et sa vitalité, afin de transposer cette énergie dans une action ou dans une création ou une créativité qui coïncide avec le rapport exact qui doit exister entre l'énergie et l'être humain nouveau. Lorsque nous parlons du rapport exact qui doit exister entre l'homme nouveau et l'énergie, nous voulons dire qu'il ne doit plus y avoir d'espace subjectif entre l'être humain et l'énergie, c'est-à-dire qu'il ne doit plus y avoir dans l'homme le phénomène de la réflexion égoïque ou le phénomène de l'espace mental qui n'est plus rempli par l'énergie, et qui crée dans l'homme les mécanismes nécessairement égoïques qui lui donnent l'impression, oui, d'être conscient, mais non, d'avoir le pouvoir. Et la différence entre être conscient et avoir le pouvoir est une différence d'énergie, de taux vibratoire. Elle n'est pas une différence d'état. Elle n'est pas une différence de compréhension. Un être humain peut très bien comprendre quelque chose, mais ce n'est pas parce qu'il comprend quelque chose que son taux vibratoire est nécessairement changé. Mais le fait de comprendre quelque chose l'amènera nécessairement à un changement dans le taux vibratoire au fur et à mesure qu'il exercera sa volonté et son intelligence en fonction de cette énergie. Pour que l'homme passe de la conscience au pouvoir, il doit réaliser au fur et à mesure qu'il avance que le mouvement normal, naturel, cosmique, qui amène l'homme du pouvoir de sa conscience au pouvoir de l'énergie, est un phénomène qui ne peut pas être résolu, qui ne peut pas être vécu, qui ne peut pas être rendu en fonction de la conscience de l'homme. Autrement dit, l'homme ne peut pas être dans le pouvoir alors qu'il vit, qu'il a conscience d'une nature humaine. Pour que l'homme soit dans le pouvoir de la conscience supramentale, dans le pouvoir de l'homme nouveau, dans le pouvoir de l'énergie, il faut que sa conscience humaine ait été élevée à un statut de conscience universelle, c'est-à-dire un statut où les aspects psychologiques du pouvoir n'existent plus à l'intérieur du mental de l'homme, ils ne font plus vibrer son corps de désir. À ce moment-là, le pouvoir, qui est dans le fait la progression simultanée de l'énergie avec le rendement